C'est moi qui ai fait cela. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu. C'est Dieu, Abik Chan. Les voix ne m'avaient pas trompé. Catherine et Marguerite, elles ne m'ont pas trompé. Jeanne, espoir roi de chair que tu as donné ton sang virginal